En ce qui me concerne, chez moi, c'est le Capharnaüm. Tout est bordélique, tu cherches le bord des îles, mec, mais là ça trache à mort. Faut être un corps d'élite pour y mettre un pied. Et que le sort me délivre si j'y mets un trait. Mon univers, c'est les mêmes journées qui se répètent en boucle. C'est faire tourner les pages histoire d'assurer en cours. Ils m'ont tous dit que je n'allais jamais réussir, que j'étais bon qu'à foutre la merde et que j'avais rien d'un érudit. Ils voient rien d'honorifique, et je les pèse. Cette année j'achève les sciences politiques. Ne trompe pas ma rage de vaincre dans un état soporifique. Je serai toujours ce mini-pouce qui fera sauter mon bitique. Chez moi c'est 5 mètres carrés d'espace pour vivre. Un troisième étage mis dans un quartier tout vide. Y'a pas mal de mes gens qui l'arrivent à tout prix. Tu voudrais que je la représente, eh ben vas-y MC oublie. C'est... moi c'est lourd, c'est fourbe et c'est tout gris. Mais c'est blindé d'amour et c'est un couple abouti. C'est une foi en Dieu, mais plein d'abrutis. Plein d'envieux qui s'acharnent à te le faire subir. C'est du opaque à fond de balle dans les tympans. Puis c'est du rap en pratique depuis un peu plus de 5 ans. Et peu importe ce qui me distingue de mes collègues, peu importe, on a ce point commun qui calme nos collègues. J'te plante le décor, 25 perches, 85 kilos de muscles masqués sous la graisse. On a essayé de me couler dans ce move, mais j'émerge. Je suis loin d'être méchant, brut de nerfs et de maladresse. Le cœur sur la main pour les miens, y'a pas de stress. Éducateur à un diplômé de justesse. En 3 ans, les boulots s'accumulent, certains plaisent. Et quand j'ai pas de thunes, j'pense à mes frères au bled. Rester sans rancune dans ma vie, enfin presque. Les nanas le seum, l'alcool pour qu'on baisse. Comme un goût d'amertume avant que ça parte en sucette. Tranquille, moi mon ex habitant à Bruxelles. Puis l'un an que j'suis de retour comme un con chez ma mère. De mes ennuis, de mon mal-être, ben j't'emmerde. Jeune enfant, semblable à toi, fils éduqué sans père. Place d'opin, traînant le soir avec une bande de compères. Les conneries, c'est clair, on les faisait tous au complet. Ayant grandi, c'est dans le droit chemin que j'me complais. Peu importe ce qui me distingue en tout point de mes confrères. On a ce point commun, la musique, et on reste solidaire. C'est chacun son monde. On a chacun notre univers, notre source d'inspiration. Parce qu'au fond, y'a quasi tout qui nous oppose. Mais ce point commun pour l'unification. C'est chacun son monde. On a tous nos envies, nos besoins, nos ennuis, nos chagrins, nos ressentis. Mais malgré tout ça, chez nous c'est chacun son monde. Laissez-moi vous transporter dans mon univers. Là où l'amour et la bonté l'emportent tous les jours sur Lucifer. Où l'impatience trop souvent s'extériorise. Mais quoi de plus normal pour un instit qui veut que ses élèves se canalisent. Dans mon monde tout est en osmose. Chaque moment est planifié, croyez-moi y'a rarement de grosses pauses. Entre le bonheur que m'apporte ma vie de couple, entre sport et musique et mon boulot qui tourne en boucle. Dans mon monde y'a toujours un coin de soleil qui rayonne. Une envie de grands espaces parce que je veux pas qu'on m'emprisonne. Y'a aussi la famille, même si je suis pas toujours présent. Qui est de loin la plus essentielle dans ce monde oppressant. Et puis malheureusement y'a trop de prise de tête. Parce que quand j'observe la vie, je n'y vois que de tristes faits. Maintenant n'allez surtout pas croire que je fais jamais la fête. La joie aussi me prouve qu'elle a encore de quoi me faire de l'effet. En conclusion, je te dirais que mon monde est passionnel. Et qu'il puise toujours sa force ailleurs que dans l'irrationnel. Mais peu importe ce qui me distingue de mes collègues. On a ce point en commun qui est d'extérioriser ce qui nous rend deg. Bienvenue à toi et décortique tout mon univers. Un pas en avant mais un géant, pèle-moi Gulliver. Dans les balivernes, même en été, ici le nez est enneigé. On est rageux tant ça pue l'hiver. On peut rien y faire, l'encéphale comme un nénuphar. En effet, fêlé par le conifère. Je la tape le matin car il faut bien bosser. Puis tu sais, dans le rap on nous paye pas assez. Alors je prouve et reprouve derrière un bar. En décomptant les heures et en attendant le départ. Ça va de pair, chaque jour est un combat. Mais j'ai relevé la tête, ce à chaque fois qu'elle tomba. Amitié partagée, surtout sincère. Je parle de mon trajet, faut qu'on s'en serve. Et puis c'est vrai, moi j'ai un grain de folie. Je veux pas replonger dans la drogue, c'est ma grande phobie. Je suis tiraillé par les défaites que j'essuie. Ensuite il y a les plaisirs et les vices que je fuis. Entouré dans une confrérie, si on nous dissocie. Lié par le son et les autres te le disent aussi. Chacun son monde. On a chacun notre univers, notre source d'inspiration. Parce qu'au fond y'a quasi tout qui nous oppose. Mais ce point commun pour l'unification. C'est chacun son monde. On a tous nos envies, nos besoins, nos ennuis, nos chagrins, nos ressentis. Mais malgré tout ça chez nous c'est chacun son monde.